La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428e avenue d'Olbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. Amis chasseurs, c'est le grand temps de se préparer pour la saison qui s'en vient. Chez Dolbeau Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière. Notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbeau Oxygène, 303 8e avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0555, 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler de chasse avec notre ami Mathieu Roy. Salut Mathieu. Bon matin, Danny. Mathieu, si on parlait un peu, avant de parler de la chasse à l'arbalète, et de la carabine, on va parler maintenant de l'histoire des chevreuils qui ont été abattus, semble-t-il. Ouais, ben écoute, c'est une histoire qui touche certaines régions du Québec depuis déjà quand même un mois à peu près là, qu'on en entend parler. Et là, on est rendu, le dernier des comptes est à tout près de 3000 cerfs abattus dans la région. Ce qui n'est pas rien, mais je pense que c'est quand même une nécessité. Parce qu'on parle de quelque chose, on parle d'une maladie envahissante qui, oublions-le pas, qui peut s'attraper par l'eau, les sels, le sol. Donc, une fois que la maladie est entrée en contact, exemple, avec le sol, par les sels ou l'urine des chevreuils, ça s'en va dans l'eau. Et là, ben, ça sort des zones infectées déjà et ça va l'infecter d'autres. Okay. Donc, si on ne fait pas de la contention, c'est-à-dire que si on n'essaie pas d'éliminer ce qui peut être problématique rapidement, ben, on ne veut pas laisser la maladie se propager en dehors de ces zones-là. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'abattre quand même une bonne quantité de gibier. Écoute, ça va faire mal. Si on veut le faire, c'est sûr que ça fait mal. Que le recensement, c'était combien? Est-ce que... Je peux pas te dire, mais écoute, la région des Laurentides est une région très populeuse au niveau du cerf de Virginie. Ouais. Donc, bien sûr, on a abattu les cerfs rouges de l'élevage en question, mais on a quand même abattu énormément de cerfs dans la zone alentour qui est problématique. Mais on parle d'énormément de gibier dans ce coin-là, parce qu'oublions pas qu'on est dans certaines régions. Ouais. Mais Laurentides, la chasse a été fermée pendant plusieurs années pour laisser le cheptel remonter. Mm. Donc, mais c'est sûr que 3000 bêtes, faut pas se leurrer, ça va quand même faire mal. Ouais. Chevreuil abattu, mais écoute, il en meurt quand même, il serait peut-être pas la même chose par la chasse. Là. La seule chose, c'est que cette année, on ne fait pas de différence entre mâle, veau, femelle, puis on prélève tout ce qui bouge. Quand on une année, tu as juste le droit au mâle, ben, au moins, il prélève les femelles, il reste tout petit dans le cheptel. Là, quand tu dis, on prélève 3000 gibiers, mais c'est 3000 toutes, mâle, femelle, veau, pour essayer d'éliminer la maladie au plus maudit. Ouais. Ben, là, c'est sûr que ça fait mal, parce que les femelles que tu enlèves de ton territoire, l'année prochaine, elles ne sont plus là, elles donneront plus de gibier. C'est sûr que ça fait mal. Ouais. C'est sûr que ça fait mal, mais c'est une mesure essentielle pour s'assurer de venir à bout de la problématique. C'est sûr que ça ne fait pas le bonheur des chasseurs. Il y a plein de chasseurs qui ne sont pas de bonne main avec ça, mais écoute, il y a des règles à suivre. Là. On fait face à une grosse problématique. Si c'était la vache, tu sais, quand on a parlé de la maladie de la vache, les chasseurs disent oh, ben moi, de toute façon, nous autres, on prend de la bonne viande de bois. T'sais, on va à la chasse, on prend de la bonne viande de bois. Ben là, ils vont dire ben là, on va être obligé de prendre du bœuf. On va trouver le contraste. Si c'était la problématique au Québec avec la vache, comme ils ont eu en Alberta, ben personne ne sait. Les chasseurs qui crieraient pas au scandale parce qu'on prélève 3000 vaches. C'était des groupes environnementaux qui le préparaient, mais les chasseurs ne le seraient pas. Là, on s'attaque à leur sport à eux autres, à l'heure où je dis, là, c'est sûr que les chasseurs montent aux barricades, mais ça fait partie de la game, là. Genre, je suis un chasseur, je suis pas contre l'idée, là. Je suis pas contre ça, là. Okay. Je pense qu'on n'a pas le choix, parce que c'est une problématique qui est grave, puis il faut traiter, puis tu sais, moi, ça me fait rire, parce que je suis des entreprises du domaine qui fabriquent des urines, tu sais, qui vendent des urines dans les magasins pour les chasseurs. Ouais. Ouais, mais de toute façon, les autres urines naturelles, ça représente même pas 5% de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est de la bouillie pour les chats. Comme ça. C'est ça. C'est de la bouillie pour les chats, OK? OK. C'est pas vrai qu'ils ont tout. Oui, ils font du synthétique, mais c'est pas vrai que le synthétique est devenu leur grosse manne, leur grosse salle de bataille. Ils vendent encore énormément d'urines naturelles. C'est encore le gros de leur pain et leur mort. Donc, quand j'entends des entreprises dire que c'est pas vrai, que c'est une minime partie pour eux autres, il y en a dans les magasins, ils vont plus, puis ils vont voir. Ouais, effectivement. Puis on en reparlera. OK. C'est une problématique. On va en parler encore pendant quelques temps. Puis, un matin, je faisais une autre entrevue radio où, justement, on disait, ben là, ils vont faire quoi avec les 3000. Les 3 ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils donnent? Non, mais. Là, on ne sait pas s'ils sont infectés ou pas. Ouais. S'ils ne sont pas infectés, oui, on pourrait toujours le donner, mais on n'a pas aucune chambre froide. Le gouvernement n'a pas aucune chambre froide où ils peuvent garder 3 000 carcasses de chevreuils entassées en attendant que les analyses se fassent. OK. Donc, ils attendent le juger, ils prélèvent des si ont besoin de prélever. Qui envoie le reste dans les urines, dans les urines d'écarissage pour être sûr de ne pas transmettre la maladie d'une autre façon que ce soit. Donc, on va tout simplement brûler et détruire les carcasses pour être sûr. Donc, ne pas transmettre la maladie nulle part. C'est un gros, gros dossier. On en a parlé. C'est pas la dernière fois qu'on va en parler. Mais c'est un dossier qui est important de prendre soin parce que c'est. Si ça sort de la région, ça ne pourrait pas être un train électronique. C'est clair. Il ne faut pas que ça arrive. OK. On fait ce qu'il faut là-dessus. Écoute, sincèrement, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ça. OK. Parle-moi maintenant de la chasse. On va parler de la chasse maintenant. On va parler de la carabine comparativement à l'arbalète. Ben écoute, la chasse à la carabine qui va commencer, je parle, attention à vous autres, si je me trompe pas, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la carabine a déjà commencé ou elle commence en fin de semaine. Là. Ouais. C'est déjà la possibilité de chasser, si je me trompe pas, sauf erreur. Par contre, je vais prendre dans plusieurs autres régions du Québec, la grosse saison de chasse à la carabine, c'est la semaine prochaine. Mm. Ça commence à partir du 13 ou 15. OK? La différence entre les deux engins, c'est simple, c'est la distance de chasse. OK. Donc, l'arbalète, tu dois être beaucoup plus proche de ton gibier. Fait que tu dois être capable de t'installer et de faire venir ton gibier assez près de toi pour pouvoir décocher une flèche à l'arbalète. Mm. Là, on parle de 40 à 50 verges, okay. À peu près. Là. C'est maximum. Là. Ça, c'est un gros, gros maximum. Après ça, ben, à la carabine, là, tu as des distances de chasse beaucoup plus respectables. On parle de plusieurs centaines de. Là, même je te disais, j'ai 40-50 heures, je me dire pied. Mm. La chasse à l'arbalète, là, c'est pour que tu sois proche. OK. Faut que tu sois proche. Là, quand tu parles de l'arme à feu, là, après ça, tu peux y aller dans les 300, 400, 500. Ben, à l'arbalète, pour avoir une force de pénétration, du métier, tantôt, vous voyez dans les distances. Pour avoir une force de pénétration, même si aujourd'hui on a des arbalètes très performantes, c'est pas vrai que tu peux tirer à 100 pieds. Okay. Il faut que tu sois assez proche de ton gibier. Donc, on travaille beaucoup plus près, fait que c'est une chasse qui est différente, alors qu'à l'arme à feu, ben, des fois la cache. Même si t'es dans ta cage, tu peux quand même avoir un tir à 4-5-600 pieds. Avec des bons tireurs, ils vont réussir. Le problème de la carabine, ben, comme tous les engins de chasse, les gens ils pensent meilleurs qu'ils sont en réalité. Okay. Et il n'y a pas un chasseur, ça, il va me faire très différent encore, mais il n'y a pas un chasseur qui évalue les distances de la même façon. Pour toi, 30 ou 40 pieds, ça peut être, ça peut représenter une distance X. Pour moi, 30-40 pieds, c'est pas la même chose. Okay. Et ça, je le sais par expérience, parce qu'on a fait, en termes de population, on a fait énormément de tests avec des chasseurs, qui ont pu être dans un champ de tir. Puis quand tu es dans un vrai champ de tir, tu sais que la cible, on l'a mis à 100 mètres. Mais quand tu es dans un, exemple, un pic de sable, tu sais, on s'est fait une cible là-bas, et t'as combien? Un va dire, elle est à 100 pieds, l'autre, 125 pieds, l'autre, 150 pieds. Mais c'est pas que c'est la même. Donc, ça devient difficile dans le bois. C'est important de connaître son engin de chasse. C'est important d'aller tirer avant pour savoir jusqu'où je suis capable d'aller. Jusqu'où je suis capable, moi, de tirer confortablement avec mon arme à feu ou mon arbalète. Est-ce que moi, je suis capable de sous pression, de tirer, exemple, plusieurs flèches dans une partie vitale d'un animal à 50 pieds ou à 60 pieds? Si oui, OK. Et sinon, on faut peut-être pratiquer. Donc, c'est important de regarder vraiment chacun des engins et de connaître nos capacités versus notre engin de chasse. Là, je sais, il y en a qui nous écoutent. Des éléments avec mon arbalète, je suis capable de percer une autre marine à mon arrière à 150 pieds. C'est pas tant mieux pour toi, là. Mais la journée où je vais te mettre au défi de venir me faire ça devant une caméra, tu seras pas capable. OK. C'est facile à dire. Nous autres, on a fait le test il y a plusieurs années de ça à la base militaire de Valcartier. On a pris des tireurs de l'armée, des très bons chasseurs, dans des conditions de chasse. C'est-à-dire que tu n'es pas bien à côté, tu n'es pas sur une table de tir, on était vraiment sur une table. C'est comme dans des conditions de chasse, comme si tu étais à côté dans ta cache, ou même à main levée, là, c'est-à-dire que tu n'as pas d'assise du tout. Puis on a mis un capot de voiture, on a mis un hook de char à 900 pieds. C'est quand même long, 900 pieds. Ouais. C'est 300 pieds. C'est quand même long. Puis, sur 10 chasseurs, il n'y a pas une balle dans le hood. Sur 10 chasseurs et gars de l'armée, il n'y a pas une balle dans le hood. OK. Pourtant, c'est tous les bons chasseurs, c'est tous les bons tireurs. Mais là, ils ne sont pas à côté, ils sont dans des conditions difficiles, ils ne peuvent pas. Fait que quand les gens nous disent, puis moi je me souviens, quand j'avais un magasin ici à Québec, j'étais en bordure de l'autoroute de la capitale, donc j'étais capable, j'avais un viaduc, mais j'avais un panneau de circulation au-dessus de l'autoroute, qui passait une grosse arche avec des panneaux de circulation dessus, et je savais la distance. Et là, il y a des gars qui avaient dit, ah, mon chemin, il était à 750 pieds. Ah, ouais, il était à 750 pieds. Puis là, tu te détenais avec moi ici, puis là, tu disais, ton chevreuil, il était dessus l'eau. Il était-tu à peu près au niveau des pancartes ou avant ça? Ah non, il était même trop loin, les pancartes, il était avant ça. Mais la pancarte, elle était à 550 pieds. OK. Là, le gars, il faisait. Raconte-moi pas d'histoire que tu tires à 700 pieds, là, c'est pas vrai. Ouais. Arrêtez pour faire des accroirs, là. Écoute, j'ai chassé avec des gars, moi, qui on était à chasse à l'Orignal, dans le bas du fleuve, dans la région d'Amqui. Puis à un moment donné, on entend « Paf! » Puis on dit « Wow, OK, cool, on s'en va. » Puis notre chum dit « j'ai tiré, puis je pense que je l'ai pogné. » Puis on arrive, puis on dit « OK, il était où ton arrière? » Ben, il était à peu près, d'où on s'en va le rejoindre. Puis on voit la cache, on dit « Ah, ben oui, la cache est loin, en 500. » On a vu les traces de l'Orignal. On dit « T'as tiré ça, là, c'est pas loin. » Puis « Sérieux, c'est pas loin? » Puis un, t'as tellement mal visé, t'as pas pensé que t'étais dans une pente descendante, tu l'as pas touché, t'as frappé en dessous de la bébite. T'as frappé en dessous de la bébite. Les gars ont de la misère à gérer les distances, puis c'est tous les chasseurs, on est tous pareils, moi inclus. Puis en plus, quand vient le temps, t'as le pop de tes rêves dans ta face, tu vas venir ses nerfs, c'est clair. Donc, tu vas oublier des détails, tu vas oublier des choses. Les chasseurs moins expérimentés vont commettre des erreurs, c'est sûr, sur ça. Les plus expérimentés, ils en font moins, mais ils en font encore une fois de temps en temps. OK. Et à l'arbalète. À la carabine, ça pardonne les erreurs, pardonne un petit peu plus qu'à l'arbalète. À l'arbalète, si ta flèche est mal placée, ton animal peut faire un bout de temps. Mais bon, c'est avec l'arme à feu aussi. C'est l'arme à feu dans un... dans une balle où tu es passé dans le vital, l'animal il va faire un tapeur de coup de temps, il va finir par mourir. Et c'est probablement pas durant une période de chasse qu'on trouvera probablement pas. Et la problématique qu'on a dans ce temps-là, c'est que les chasseurs, ils disent que c'est un, on l'a pas retrouvé, je continue ma chasse. Non, tu sais, dans ma tête à moi, ça fait non. Mm. Je viens de blesser un animal, tu vas quand même mourir. Ouais. Okay. Tu l'as trouvé ou pas trouvé, c'est pas mon problème. Là, tu as blessé un animal, tu vas mourir. OK. Ta chasse devrait être finie. Pareil, quand tu vas chasser dans des... tu vas aller chasser dans des pourvoiries, dans le bas du fleuve, ou dans même dans plusieurs pourvoiries. Dans certaines pourvoiries, les propriétaires vont te laisser une chance. Mais il y a plein de pourvoyeurs. Non. Tu as tiré, on a vu du sang, mais on n'a pas retrouvé la bête. T'en retires pas un autre. Là. Ouais. OK. Parce que c'est trop dangereux. Fini, mon vieux, là. Parce que c'est trop dangereux. C'est fini. Ouais. Ben, c'est pas que c'est dangereux. C'est parce que t'as déjà prélevé un gibier. Ouais, ouais. Pour retrouver, ça, c'est pas le problème du pourvoyeur. OK. Si t'avais tiré comme il faut, tu l'aurais retrouvé ton gibier. Là, on a retrouvé du sang. On pisse. Si on l'a pas retrouvé, c'est pas notre problème. Effectivement. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gars qui vont blesser à répétition. Tant qu'ils n'ont pas abattu leur gibier, ils vont continuer, puis ils vont retirer, puis ils vont retirer. Puis là, ils vont dire, c'est le troisième que j'essayais. C'est le troisième. Ça veut dire qu'il y en a peut-être deux morts à quelque part dans le bois. Là. Fait que toi, cette année, ta chasse, t'as pas prélevé un gibier, t'en as peut-être prélevé trois. OK. Moi, je comprends ce que tu veux dire. On a des problématiques qu'on doit voir là-dessus. L'été du chasseur, malheureusement, c'est pas. Je te dirais qu'en grande partie, elle est respectée, mais c'est pas vrai que 80% des chasseurs ou 90% des chasseurs qui tirent et qui plaisent vont dire ma chasse est terminée ou notre chasse est terminée, les gars, j'ai tiré, mais on l'a pas retrouvé. J'ai tiré, j'ai touché, mais on l'a pas retrouvé. Il n'y a pas un gars qui est assez honnête pour dire non, j'arrête puis je retourne chez nous. OK. Ben, on s'en reparle vendredi prochain? Pas de problème, ça m'a fait plaisir. OK, donc voilà, donc c'était Mathieu Roy qui nous parlait de chasse.